Bonjour à tous, cette semaine on était au musée du Luxembourg et on allait voir l'exposition sur la peinture anglaise. Va te mettre au coin, coin, coin, coin, coin, petit canard. Encore une victoire de canard. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare. Regarde mes trois petits canards, comme ils sautent, sautent dans la mare. Un canard. Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Bonjour Vicky. Bonjour Gabrielle. Ça va cette semaine? Ouais, ça va. Et toi? Oui, bon alors en fait on dit ça, mais l'expo, on l'a vu ce matin. C'était très chouette, il faisait beau. Déjà, première chose à noter, il n'y avait que des vieilles dames à part nous. Je ne sais pas si tu avais aussi quelques vieux monsieur, mais en moyenne tout cas... Moyenne d'âge, 70 ans. Au moins. Donc c'est une exposition qui est au Musée du Luxembourg, qui se trouve juste à côté du Palais du Luxembourg, dans le Jardin du Luxembourg, à Paris. Oui. Et de quoi est-ce que ça parle? Alors, c'est l'âge d'or de la peinture anglaise. Alors, qu'est-ce que c'est l'âge d'or de la peinture anglaise? Eh bien, c'est à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il y a la Royal Academy of Arts qui est fondée, donc on va dire 100 ans après l'Académie française. Et donc, la peinture anglaise connaît son heure de gloire, avec des peintres comme Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, et puis ensuite, au début du 19e, on a John Constable, William Turner, et voilà, je pense que j'ai donné les noms principaux. C'est ça, et donc dans l'absolu, dans l'exposition, ce qu'on voit beaucoup, c'est surtout des portraits et des paysages. C'est ça. Bon alors, toi, Gabrielle, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai eu un peu... le sentiment que j'ai souvent en allant voir les expositions au musée du Luxembourg, c'est sympathique, c'est joli, c'est pas très très long non plus. Après, on demande pas forcément à une expo de nous garder otages pendant 2 heures, parce que c'est pas toujours l'idéal. Mais c'était, sympathique, j'ai pas appris beaucoup de choses. C'était sympa. J'ai trouvé que les textes étaient assez simplement écrits, de manière assez compréhensible, même s'il faut quand même quelques bases d'histoire de l'art quand ils font des comparaisons avec des peintres plus anciens, hollandais ou italiens. Si on n'a pas les références, c'est compréhensible, mais c'est quand même des références qui reviennent assez régulièrement. Des références par exemple à Rembrandt, à Van Dyck, à Titien. Les textes des œuvres, donc les textes de grande partie, ce qui est pas mal, c'est que dès le début, on a une chronologie qui met les dates, donc un peu... qui jalonne le sujet de la peinture anglaise, mais il y a une deuxième chronologie parallèle sur les grandes dates sociales du moment, sur les crises politiques qui se font au même moment, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça replace un peu l'art de cette période dans son contexte historique, et les grands textes de parties, donc chaque salle est une partie thématique, servent un peu à ça, à replacer le contexte historique et artistique. Mais par contre, j'ai trouvé que les petits textes à côté des tableaux n'apportaient pas grand-chose, sauf si vous avez vraiment envie d'avoir des informations précises sur le peintre en question, sur le modèle, sur la manière de peindre. Voilà. Mais donc, vous pouvez tout à fait vous en sortir en lisant que les grands textes de salle. Et j'ai noté aussi que c'était des chefs-d'œuvre de la Tate Britain. Donc c'est toujours chouette, voilà, d'avoir des tableaux un peu étrangers qu'on n'a pas trop l'occasion de voir si on reste à Paris, qui viennent chez nous. Voilà. Et toi Vicky, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est texte. Je trouve que les grands textes explicatifs de chaque partie sont très intéressants et qui se suffisent à eux-mêmes. C'est pas trop compliqué, donc ça je trouve que c'est un bon point, parce que quand il y a trop de mots... compliqué, on s'y perd, et je trouve que les textes sont faciles à lire et pas trop longs, donc et puis ça donne bien les thématiques qui ont été choisies, je trouve, sont bien respectées par rapport au tableau, parce que des fois on sent que on a voulu caser des tableaux là un peu au chausse-pied dans une catégorie qui n'a pas de rapport, alors que là je trouve vraiment que chaque partie est bien définie et donc chaque tableau a sa place. Pareil pour la chronologie, elle est vraiment très intéressante. Pour une fois, elle est au début de l'expo, elle n'est pas coincée dans un couloir, et elle apporte vraiment un point de vue sur ce qui se passe en Angleterre et en Europe à l'époque. Donc la chronologie, c'est à peu près 1760-1820, donc c'est vrai que c'est des moments où ça bouge pas mal. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé très bien, c'est que tous les cartels, donc les petits panneaux à côté des tableaux, tous les cartels sont très grands. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Très, très lisible. Même si t'as avec... six mamies devant le nez, c'est vrai. Exactement. Non, mais parce que c'est, il faut y penser, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on a appris, nous, pendant nos études, et que les visiteurs peuvent être fatigués de devoir se pencher en avant, de plisser les yeux. Et là, moi, je suis sortie, j'avais pas mal au dos. On n'est pas resté 3 heures dans le musée, mais... j'avais pas mal au dos de devoir me plier parce que les cartels sont à peu près à hauteur d'yeux et c'est écrit très gros, donc c'est tout à fait lisible, même avec 15 mamies devant. Après, il y a une chose qui m'a un peu choquée, moi. Alors, je sais pas si c'était pour... choquée, parce que franchement, c'était... j'ai pas compris. C'est la couleur des murs. Ouais. Alors, je sais pas si c'était pour provoquer une émotion chez les plus de 70 ans, mais sincèrement, sincèrement, le mur vert pomme, jaune poussin et bleu turquoise, en plus, je trouvais que ça avait pas de sens. Et c'est vrai qu'ils le font souvent au musée du Luxembourg, de faire pour chaque pièce, ce que je peux comprendre, chaque pièce, chaque thématique, dirons-nous. C'est pas mal dans le sens où on a une couleur par partie, ça t'aide à te repérer en fonction du thème. Mais ça marche bien quand les œuvres que t'accroches dessus, c'est des gravures en noir et blanc. Mais là, ça, oui, tes tableaux étaient quand même assez colorés. Les fonds, les couleurs étaient pas terribles. Alors t'as un fond vert olive avec des tableaux dessus, c'est des couleurs, c'est du rose pâle et du vert tendre. Non, mais la première salle où c'est gris et rouge, rouge un peu rouge velours, là c'était très bien. Mais toutes les salles pêche et tout ça, c'était pas top. C'était horrible. J'ai noté d'ailleurs ça, fond coloré, pas top. Ah oui, et encore une chose aussi, et c'est que pour une fois c'était plutôt bien éclairé, parce que moi j'ai toujours un souci, c'est que je sais pas si les installateurs sont plus petits que moi ou quoi, mais en général les tableaux sont mal éclairés, et là j'ai trouvé que les petits formats étaient tous très bien éclairés. Il y avait toujours des soucis sur les grands formats parce que ben, le coin en haut à droite, il y a toujours le spot en plein milieu. Oui, c'est ça, sur la tête de la dame. C'est ça. Donc, mais là, j'ai trouvé qu'ils s'en étaient pas mal sortis. Voilà, après, on va pas se mentir, de Reynolds à Turner, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi pas mal d'artistes qu'on connaît pas. Donc voilà, après, c'est intéressant de voir des peintres anglais moins connus, mais c'est sûr que la... J'ai pas été déçue par le nombre de Turner, de Reynolds ou tout ça, mais il y en a pas, c'est pas que ça. Mais ce que j'ai trouvé pas mal justement, c'est que, enfin, en tout cas, il y a une partie où ça sert le propos, parce que donc l'exposition a une partie sur l'Angleterre coloniale, donc les colonies anglaises et les peintres anglais qui vont peindre pour ces familles qui habitent là-bas. Et ben, c'est vrai que entre autres, il y a des tableaux, c'est pas des croûtes, mais c'est pas terrible, terrible. Et ils expliquent justement, par exemple, il y a un des peintres, ils expliquent bien que le gars était plus du tout à la mode au Royaume-Uni, et par contre, il a été accueilli à bras ouverts par ses familles là-bas, dans les colonies, ce qui explique aussi... Enfin, ça fait sens qu'on ait un tableau, à ce moment-là, d'une qualité un peu moindre que d'autres très jolies choses qui sont dans les salles. Et à propos, pour revenir à cette partie, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'en ce moment... On parle beaucoup de décolonisation de la culture, d'ouverture aussi des musées, parce que les musées français sont encore un peu, il faut le dire, encore pas mal à la traîne, sur tout ce qui est question de sexisme, d'homophobie, de racisme. C'est pas aussi clair que ça, mais disons qu'on continue à penser que les collections françaises sont dans une espèce de non-lieu neutre politiquement, alors que pas du tout. Et là, typiquement, la partie sur la peinture du coup, dans les colonies anglaises, était introduite par un texte qui parlait très clairement des lourdes conséquences des ambitions coloniales de la Grande-Bretagne sur les populations locales, qui maintenait bien que juste souvent ces riches familles, elles s'étaient enrichies, elles avaient bâti leur fortune sur le sang des esclaves, alors que ce sont des informations qui souvent sont un peu passées sous silence. Quand vous lisez la petite description d'un portrait d'un homme avec une perruque poudrée, on dit gentiment qu'il a fait fortune dans telle ou telle colonie, mais on rarement que c'est par le commerce des esclaves. Après aussi, c'est, il faut penser que ceux qui ont fait l'exposition, c'est des Anglais. Exactement, et c'est ce que je suis allée voir aussi, c'est ça. Et les Anglais sont en effet toujours un peu plus en avance, voire plus en avance que nous. Et c'est ça, et l'exposition est une création en collaboration entre un commissaire de la Tate Britain et une commissaire du musée du Luxembourg ici à Paris. Et du coup, est-ce que tu as une œuvre préférée ? Alors moi j'ai beaucoup aimé une petite aquarelle à la fin de William Turner et où il peint le Mont Blanc et c'est vraiment très joli. Voilà, c'est un peu c'est un peu tourmenté, un peu anglais, c'est avec des dominants de gris, de noir et de blanc, mais c'est très chouette, c'est pas très grand, mais c'est le genre de vue un peu qu'on a l'impression de trouver au détour d'une balade en forêt. C'était vraiment très très joli. Et toi Vicky ? Moi, je suis plus classique. Hein. C'était une œuvre de Joshua Reynolds qui représente le colonel Ackland et le Lord Sidney, qui est aussi appelé les archers. Et je trouve que les couleurs sont assez impressionnantes parce que c'est une scène de chasse, mais mise en scène parce que les deux personnages font du tir à l'arc. Donc, c'est une scène de chasse en automne. Et donc, il y a ce jeu sur les verts, les marrons. Eux-mêmes sont habillés en vert et marron. Et donc, je trouvais que c'était un tableau très, très parlant et très, très impressionnant par son format et par la façon dont les personnages sont mis en scène. Et typiquement, ce tableau-là, dont tu parles des couleurs vraiment automnales, du vert, de l'orange et du brun, eh ben, il était sur un grand mur bleu canard, voilà, qui cassait un peu, complètement même, l'harmonie. J'en ai les yeux qui piquent encore. Donc, pour conclure de ce qu'on a pensé de cette expo, moi, je trouve qu'elle était assez simple. Comme tu l'as dit, Gabrielle, il y avait peut-être quelques références qui sont pas claires, mais finalement, ça reste très concentré sur certains tableaux. Et je trouve que le propos général est plutôt clair. Donc, voilà, moi je vous conseille d'y aller, et puis c'est un bon moyen de découvrir une période et des peintres qu'on connaît pas forcément, et c'est très abordable, moi je trouve. Oui, c'est vrai, on pourrait penser que c'est une exposition d'initié pour initié, parce que c'est vrai que c'est pas une période très étendue, enfin, c'est quand même les portraits, le paysage anglais à la fin du 18e siècle, mais en fait... c'est vraiment joli, on n'a pas besoin de lire avec précision tous les textes pour apprécier les tableaux. On peut tout à fait se plaire dans cette exposition sans... Et c'est pas parce qu'il y a que des vieilles dames de 70 ans que vous vous y plairez pas. Oui, c'est ça. Et en plus, alors peut-être parce qu'on y était un peu au début de l'exposition, mais il n'y avait pas trop de vieilles dames de 70 ans. C'est vrai. D'habitude, enfin pas, il y a certaines expositions où les salles sont pleines à craquer, ça allait encore, donc allez-y. Donc les infos pratiques, le tarif de base c'est 13 euros, après il y a une réduction pour les 16-25 ans à 9 euros, et surtout il y a un tarif spécial donc pour les jeunes toujours de 16 à 25 ans, si vous y allez du lundi au vendredi à partir de 16 heures, c'est 9 euros mais pour deux personnes, donc ça c'est cool, et donc c'est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h, et il y a une nocturne le lundi jusqu'à 22h. Après, il y a aussi quelque chose qui est pas mal si vous comptez faire des expos et que vous avez moins de 30 ans, ou 30 ans inclus, je crois. C'est la carte Sésame Plus, donc qui vous donne l'accès à toute la saison, donc de septembre 2019 jusqu'à août 2020, à toutes les expositions qui ont lieu au Musée du Luxembourg et au Grand Palais. Donc cette année, on a donc la peinture anglaise au Musée du Luxembourg. Au mois d'avril, il y aura Man Ray et la mode. Et au Grand Palais, donc bientôt va commencer le Gréco. Toulouse-Lautrec. Après, il y aura Pompéi et ça finit par... Bon, de toute façon, on les fera. Oui, on vous retrouvera, voilà. On vous en parlera. Mais je trouve que c'est une programmation assez variée, et je pense que là, la carte Sésame Plus pour les jeunes, elle est à 35 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors après, on précise quand même que le musée du Luxembourg est un musée privé, donc payant, et n'oubliez pas que les musées publics, vous avez la gratuité. Si vous venez de l'Union Européenne et que vous avez moins de 26 ans, c'est gratuit pour vous. Et il y a aussi un parcours enfant dans l'exposition que nous n'avons pas testé. Mais voilà, en tout cas, il existe. Si vous avez aimé Downton Abbey, alors Downton Abbey, ça commence un siècle après, mais c'est les mêmes ambiances. C'est des portraits de dames avec des très belles robes, avec des jolis paysages anglais verdoyants. Si vous les aimez, les romans de Jane Austen et les films qui en ont découlé, si vous avez adoré Orgueil et Préjugé, allez-y, c'est plaisant. Et si, c'est ça. Si vous aimez la peinture de ce siècle-là, si vous aimez les jolies aquarelles, les jolis paysages et les teintes un peu douces, si vous voulez faire une jolie, un joli rancard, emmener quelqu'un, un rancard d'automne, c'est une sortie tout à fait sympa. Moi, je rajouterais que il faut y aller parce que... bon, après, je ne suis pas objective parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Mais il faut y aller parce que ce n'est pas des œuvres qu'on a l'habitude de voir en France. Il y a peu de collections françaises qui ont des peintres anglais du XVIIIe siècle. Au Louvre, il y en a des pièces de la collection anglaise. Je crois qu'il y a une pièce dans tout le Louvre. Et il y a le musée de... Ouais, c'était ça qu'on avait vu. Au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, je crois qu'il y en avait un ou deux Gainsborough. Ouais. Mais il n'y avait pas full non plus. Si vous n'avez pas les moyens d'aller à la Tate Britain et que vous avez 13 ou 9 euros à dépenser dans votre budget, et ben, allez au musée du Luxembourg pour voir l'âge d'or de la peinture anglaise de Reynolds à Turner. Eh ben, le podcast touche à sa fin. Donc, Canard, ça touche à sa fin. On vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle expo. Ah oui, on vous l'a pas dit, mais cette exposition dure jusqu'en février. Donc, vous avez le temps. Allez-y tranquillement. Et bah, à bientôt. Au revoir, Vicky. Au revoir, Gabriel.